Troisième partie. Marie, comme je m'habituerai vite à cette vie romaine. Vous voulez dire cette vie à Rome? Car nous sommes à l'hôtel, maman. La vie romaine, nous ne la vivons pas. Peu m'importe. Je parle de nos matinées et de nos après-midi, de nos pèlerinages dans les églises, de nos courses dans la ville, où je ne suis plus l'étrangère étonnée de tout, qui collectionne les cartes postales. Est-ce que tu es comme moi? Il me semble que j'ai dans le cœur, à présent, le regard de Rome, qu'on ne découvre pas tout de suite, son expression qui achève les images. Pas toi? Ah, ma chérie, ce sont des heures précieuses. Croyez-vous que je ne le sente pas? Elle me renouvelle l'âme. Vous êtes plus jeune que moi, maman. Je suis plus libre d'espérance, plus abandonnée, moins exigeante. C'est quelquefois meilleur. Elles étaient venues s'asseoir dans les jardins du Pincio, qui dominent si bellement la ville et qui font face au soleil couchant. Plusieurs fois, depuis leur arrivée à Rome, elles avaient passé là les dernières heures du jour, lisant à demi-voix, tantôt l'une, tantôt l'autre. La tiédeur des terrasses, l'abri des arbres qui font des cadres lointains des collines opposées, le silence, l'heure si romaine du couchant glorieux, les ravissaient. Même, elles avaient choisi un banc sur lequel elles s'asseyaient d'habitude, non pas dans la partie des jardins qui est proche de la Villa Médicis, mais tout à l'extrémité, sous une voûte de chêne vert déjà ancien, et qui ouvre son arc au-dessus de la Piazza del Popolo. La jeune fille qui avait cessé de lire depuis plusieurs minutes, mais qui tenait le livre à demi relevé sur ses genoux, prête à reprendre la lecture, le laissa retomber et posa la main sur les pages ouvertes. Elle se redressa en même temps, les épaules appuyées au dossier du banc, et elle hocha la tête plusieurs fois, comme celles qui ont de grandes objections à faire. Mais elle ne dit aucune parole, et elle soupira seulement. Madame Limerel, assise à la droite de sa fille, caressa la main encore pliée, qui s'allongea sous la caresse. « Marie, je voudrais tant te voir reprendre ta belle humeur vaillante. Tu as de bons jours, de très bons. Tiens, hier à Albano. Et puis, tu redeviens triste. Quand tu es triste, tu es moins jolie. Jolie, je n'y pense guère. Pour qui? Pour moi, qui ai besoin de ta joie, comme d'une preuve que je t'ai élevée, aimée comme il fallait, que je t'ai rendue forte contre toi-même. Oh, ne craignez pas, je n'ai pas changé. Mais j'étais si forte contre d'autres et contre moi-même que je suis lasse par moments. Il me semble quelquefois que je ne pourrais plus refaire ce que j'ai fait, tant cela m'a coûté. Mais je ne regrette pas de l'avoir fait, au contraire. Je vois, d'une vue très claire, de plus en plus claire, que j'ai eu raison. Tant mieux. Que j'ai échappé, grâce à une espèce de promptitude dans le devoir, que vous m'avez apprise, ou transmise, à une vie qui eût été très malheureuse ou très coupable, probablement, les deux ensemble. Non, mon esprit ne doute pas, mais la peine que j'ai causée, qui la guérira? Le temps. Et en moi, dans mon cœur, qui la guérira? Notre amour à nos autres femmes est presque entièrement fait de la volonté de rendre heureux. Moi, j'ai fait souffrir, au contraire. Comprenez-vous? J'ai fait souffrir. Il n'y a pas eu l'ombre d'une faute, Marie, et tu viens de le dire. Je ne me reproche rien non plus. Je suis troublé par la douleur d'un autre, troublé par le passé. Que pense Félicien? Le sais-tu? Oui. Il t'a écrit 2 lettres que j'ai reçues en Bourgogne. Je ne le savais pas. J'ai même répondu à l'une d'elles. C'est vrai, j'ai eu le tort de ne pas vous les montrer. Je vous demande pardon. Je vois que je vous fais de la peine. Une peine que tu peux regretter d'avoir causée, celle-là. Je ne l'ai en rien méritée. C'est vrai, j'ai eu grand tort. Vous les verrez. Je vous le promets. Que disait-il? Que je l'avais rejeté vers le doute, à jamais. Tu as simplement refusé de l'y suivre. Il me disait encore une foule de choses tristes. Je n'ai pas répondu à la seconde. Tout est fini. Marie se pencha vers Madame Limerel. Voyez-vous, il m'aimait. Je n'avais jamais été aimée. La puissance de ce mot-là, sur nous, s'efface lentement. Que pensez-vous? Que tu es femme? Elles s'embrassèrent, puis elles se turent l'une et l'autre, et leurs esprits, dans le silence, s'avancèrent sur les routes voisines où ils s'étaient engagés. Elles avaient parlé à voix si basse, et leurs gestes avaient si peu troublé l'harmonie du groupe d'ombre et de lumière qu'elles formaient, que 3 femmes assises sur un autre banc, sous la même voûte de chêne vert, une jeune mère, une nourrice de la campagne, toute fleurie de rubans rouges et de mousseline blanche, une grande pensionnaire exsangue et indifférente, n'observait plus ces étrangères immobiles et enveloppées de songes. Les passants les regardaient à peine, car elles se trouvaient à l'angle extrême des jardins, en dehors des allées suivies par les promeneurs. Ceux-ci, presque tous, descendaient vers la ville. Ils marchaient dans la splendeur du soir, sous la voûte des feuilles que l'automne ne jaunit pas, ou le long du mur qui enclôt la colline, en plein soleil, gêné et réjoui par la lumière horizontale, fraîche et dorée, et ils tournaient avant d'être arrivés près du banc. Femmes tenant des petits à la tâche, employés échappés du bureau, soldats, étudiants, séminaristes à ceinture écarlate ou bleue, tous ramenés par l'approche de l'Ave Maria, berger antique du temple, et qui, entre le 13 et le 22 octobre, sonne à 5h15. Les grands rayons du couchant, par-dessus la ville, touchaient les écorces des arbres et la moitié du visage de Marie. Cette dernière douceur du jour allait jusqu'au fond des âmes. « Tu as échappé à un danger que tu vois clairement, Marie. Il faut désormais que rien de déraisonnable n'altère plus en toi le don magnifique de vivre, rien de mesquin, rien d'indigne de toi. Oh, comment appelez-vous ainsi mes regrets? Pourquoi me défendez-vous de les avoir? Quel mal vous font-ils? Ils te diminuent. Tu n'es pas leur prisonnière, comme tu le crois. Tu les appelles, tu les rassembles. Tu donnes aux moindres mots, à des souvenirs d'enfance, une puissance qu'ils n'ont pas eue sur ton âme d'autrefois. Et tout cela, Marie, pour que ta résolution de ne pas épouser Félicien t'apparaisse à toi-même plus difficile encore qu'elle n'a été, plus rude pour toi. Non, pas pour moi. Si, pour toi d'abord, plus exceptionnel, plus héroïque. Tu te composes une douleur en partie factice et adulatrice. Tu t'y cherches. Je te connais, bah. Je connais le pauvre cœur qui se trompe lui-même si souvent. Il y a de l'orgueil dans ta peine. Il y a bien de la pitié, je vous assure. Eh bien, garde la pitié, mais devant Dieu seulement, elle est juste, et chasse le reste. Tout le bourdonnement de ce qui aurait pu être, tout ce qui a pu te faire hésiter, tout ce qui est toi-même, tout ce qu'a repoussé déjà, dans une heure de souffrance et de salut, ta chère âme victorieuse. Sacrifie l'histoire de ton amour, Marie, puisque l'amour, tu l'as condamné. Marie prit dans sa main gauche les premières pages du livre posé sur ses genoux, et très lentement le ferma. Elle le fit machinalement, sans mettre dans le geste aucune intention symbolique, puis elle dit, de ce ton pénétré par où se manifeste la présence totale de l'esprit dans les mots, « J'essaierai. Je crois que vous avez raison en toute chose. Il faut que tu montes plus haut, Marie. Il faut monter jusqu'où est la paix. Où est-elle, maman? Là où nous ne sommes pas. Oublie-toi. » Madame Limerel se leva et, montrant le coucher à travers les branches, dit en souriant, « Tiens, là-haut, viens voir la dernière minute du jour. Nous avons causé de tant de choses sérieuses que j'ai besoin de respirer. Si les Romains et les Romaines, qui font ici la passeggiata, avaient entendu notre conversation, ils seraient indignés de nous voir employer si gravement des heures pareilles. » Marie était déjà debout. « Pas moi, elles ont été bonnes. Ah, nous n'avons pas tant à perdre, en effet. Le soleil tombe derrière le portique de Saint-Pierre. Comme cette ville est bien faite pour recevoir la lumière. Elle en fait, dans le jour, une telle provision que le soir, elle reste un moment transparente. Regardez au-dessous de nous, et là-bas, les quartiers nouveaux, de l'autre côté du Tibre. » Elle disait juste. Madame Limerel s'accouda sur la balustrade de la terrasse, tandis que Marie demeurait droite. Toutes deux, elles étaient dans la pleine clarté et dans le vent qui venait aussi de l'Occident. Elles avaient dans les yeux la même joie étonnée, toute l'âme ouverte et avide, mais l'une d'elles seulement songeait encore à une autre chose et remerciait, parce que l'enfant, l'âme très chère, commençait à reprendre vigueur. Des hauteurs du Pincio, la ville apparaissait, serrée entre ses collines d'horizon, creusée un peu en son milieu, plus houleuse, couronnée de plus de dômes, de clochers, de ruines vers le sud, partout ardente de couleurs et chaude au toucher du regard. Les toitures plates et blanchies à la chaux, les tuiles, les façades peintes en jaune roux, tout ce qui avait été fait pour les hommes et les abritait, n'était plus éclairé que par reflets. Mais ces vallées de pierres bâties et pressées devaient émettre des rayons innombrables, car l'air au-dessus était comme un champ d'épis transparent. La nuit s'y glissait, rapide. Les premières ombres, qui sont bleu mauve, gagnaient de proche en proche. « Le jour meurt, » dit Madame Limerel. « Non, tout le front des jardins est encore dans la lumière. Voyez, maman, les pins parasols sont comme des houppes d'or. Ils s'éteignent, c'est fini. Mais le dôme de Saint-Pierre voit encore le soleil. Et celui de Sainte-Marie-Majeure. » Quelques moments encore, elles demeurèrent là, silencieuses. Un grand souffle froid se heurta aux terrasses et coula, divisé, parmi les feuilles qui remuèrent. Il y eut une accalmie, puis un second souffle chargé de l'humidité des espaces d'herbe et des marais. Les cloches des églises, voix de tous les âges, tintèrent l'Ave Maria. Le jardin était déjà désert. « Le ciel reste clair, » dit Madame Limerel. « Viens, c'est une belle soirée. » Elles longèrent la balustrade de la colline, et arrivées près de la Villa Médicis, elles descendirent par un chemin profond, tournant entre les jardins et des murs, et qui aboutit à la place d'Espagne. « Nous voici chez nous, » dit Marie, « dans le coin le plus jaune de Rome, dans le domaine de la Terra Rossa. Toutes ces maisons qui se sont vieillies pour ressembler au vieux palais. Vous ne trouvez pas que c'est une belle coquetterie ?»« Maman, c'est demain dimanche. Où irons-nous à la messe ?»« Où tu voudras. » »« Dans une église que nous n'avons pas vue. » « Autant que possible. » « Alors à la Trinité du Mont, notre voisine, qui n'est ouverte que le dimanche matin. » Elles regardèrent instinctivement les marches du grand escalier, là, tout près, qu'elles montraient le lendemain, tournèrent la plate-bande plantée de 5 gros palmiers et entrèrent à l'hôtel de Londres où elles logeaient. On était au 16 octobre. Il y avait près de 2 semaines qu'elles étaient arrivées à Rome. Elles y trouvaient une diversion dont elles avaient besoin l'une et l'autre, et une solitude à deux qui leur faisait mieux voir à quel point elles s'aimaient, et qui donnait un pouvoir nouveau, que rien ne combattait ni ne troublait, à la moindre parole, aux émotions partagées, au silence même. Madame Limerel ne se trompait pas. Dans l'âme de Marie, la puissance du passé diminuait. Le lendemain du jour où Marie avait reçu la réponse de Félicien et crié « Tais-toi, n'en dis pas plus !» et laissait partir celui qui pleurait aussi, Monsieur Victor Limerel était venu, très ému, très correct, dans l'appartement de l'avenue d'Antin. Il n'apportait aucun regret. Il imposait une volonté, comme toujours, et il avait dit « Madeleine, je vous ai demandé, vous seule, parce que je ne veux pas de scène, et qu'il me serait pénible de faire des reproches. Ce qui s'est passé, je l'avais prévu. Je savais bien, et les raisons, je les connaissais toutes, qu'un mariage était impossible entre votre fille et mon fils. » Votre faute à vous, ou à Marie, ou à toutes les deux, ça a été de ne pas le comprendre assez tôt. Votre faiblesse a produit un très grand mal. Comme toujours. Je n'ai pas à vous faire de confidence, mais mon fils nous a manqué gravement à sa mère et à moi. Il a parlé de prendre un appartement dans une autre maison que la mienne. Il le fera peut-être, et peut-être lui en fournirai-je les moyens. Nous en sommes là. Voilà l'œuvre. Oh, ne vous défendez pas. Vous savez qu'avec moi, c'est inutile. Je vous ai dit ce qui a été. Il me reste à vous dire ce qui sera et ce qui ne sera pas. Ce qui n'aura jamais lieu, c'est ce mariage parfaitement déraisonnable. Vous êtes de mon sentiment, tant mieux. Je tiens à vous confirmer la résolution de Félicien, que ma femme approuve autant que moi. Oui, ma femme. Elle a pu différer d'avec moi au début. Elle était hésitante. Je l'ai ramenée à mon avis. Et comme conséquence, si vous le voulez bien, ma chère belle-sœur, nous espacerons nos visites. Le monde n'a pas besoin d'être mêlé à nos querelles de famille. Je me tairai, vous vous tairez. Nous nous saluerons, nous nous rencontrerons chez des amis communs, mais pour le reste, n'est-ce pas, à plus tard. » Madame Limerel avait simplement répondu « Je suis moins dure que vous. Nos enfants sont désormais séparés irrémédiablement. C'est une nécessité. » C'est une chance, si vous voulez. Mais je regrette que la souffrance soit pour eux et que la faute soit à vous. Je regrette ce qui aurait pu être. Adieu. » Presque tout de suite, au commencement de juillet, elle avait quitté Paris. 2 mois de campagne, chez des parents, en Bourgogne, n'avaient pas rétabli, comme elle l'espérait, la santé ébranlée de Marie. Les chers yeux de Marie, les yeux couleur de thé, n'avait pas perdu cette belle habitude de regarder en face, d'écouter merveilleusement, d'être limpide, d'être ferme, et de s'adoucir dès qu'elle parlait. Mais l'ombre s'était amassée autour d'eux. les longues lèvres fines continuaient de sourire, mais si léger que fût l'effort, on le devinait, et la volonté d'être aimable ne ressemblait plus à l'élan de la jeunesse. Avec la paix, les forces avaient diminué. Madame Limerel s'inquiétait. Elle s'était trop hâtée d'accepter l'invitation de la cousine bourguignonne. Le séjour dans un château, les promenades, les jeux, les visites aux environs, la monotonie agitée des vacances, la gaieté d'enfants nombreux, les prévenances d'une tante, l'inutile tendresse de plusieurs grandes cousines, inoccupées, jalouses d'être préférées, attirées tout ensemble vers Marie par le pressentiment d'un secret d'amour à connaître, ne pouvaient guérir une âme fière et capable de vie intérieure. Toutes les distractions du monde n'ont jamais eu raison d'une douleur qu'on aime. Elles y rejettent l'esprit, au contraire. Elles l'exaspèrent par leur médiocrité, et sans cesse, ils comparent, secrètement, la noblesse de son mal, qu'il n'a pas le loisir de juger, avec ses amusements, qui lui semblent encore plus vides et qu'ils ne le sont. La mère le comprit, et emmena ses deux enfants dans une vallée du canton de Fribourg, puis, lorsque le temps fut venu de renvoyer la plus jeune en Angleterre, elle continua de voyager, seule avec Marie. La solitude fit son œuvre. Elle remit tout le passé devant la conscience de Marie. Dans le silence, les raisons qui avaient déterminé la jeune fille, qui s'était portée à son secours, en troupe, n'ayant chacune que le temps d'apparaître et de crier « refuse », parlèrent abondamment. Elle les interrogeait, et il y avait un dialogue entre ce cœur douloureux et les puissances directrices de l'esprit, combattantes aux yeux clairvoyants, dispensatrices de la paix difficile. « Nous ne t'avons pas trompé, » disait-elle. « Nous avions été mises autour de toi pour protéger ta faiblesse. Vois comme ta force est peu assurée, puisqu'après nous avoir obéi, tu as pu douter. » Les hommes jugent légèrement, et leur légèreté est cruelle. Ils disent qu'un mariage est mal assorti s'ils aperçoivent quelques différences entre les familles, les éducations, les fortunes, et ils se préoccupent peu des distances infinies, des mésalliances d'âme. Petite, aucune tendresse ne vaut le prix que tu aurais donné pour celle-là. Nous sommes la miséricorde première. La souffrance que nous imposons ne dure qu'un temps. » Marie écoutait, et tous les sommets commençaient à être clairs. Le dimanche, un peu avant 9 heures, Madame Limerel sortit de l'hôtel avec sa fille. Elles dirent ensemble « Quelle belle matinée !» Et elles firent, dans la joie de cette lumière, la respirant et la regardant, le court chemin qui les séparait de l'église. Le coin le plus jaune de Rome m'étincelait. Le jet d'eau de la fontaine au milieu de la place avait un arc-en-ciel dans sa retombée d'écume, et le célèbre escalier qui monte en face, d'un seul mouvement d'abord, puis en deux branches qui se courbent autour de deux terrasses, donnait l'impression que cette belle cascade de pierre blanche avait été bâtie pour le plaisir du soleil. On n'y voyait pas d'ombre. La pierre travertine, si poreuse qu'elle soit, avait partout des lueurs, comme un marbre poli. Marie mit la main sur l'appui d'une balustrade et le trouva tiède. Tout le long de cette coupure radieuse de la colline, des passants montaient ou descendaient. En bas, les marchands de fleurs exposaient les fleurs de la saison, des œillets, quelques roses, des chrysanthèmes, des gerbes d'anémones du Japon. En haut, la trinité du monde dressait sa haute façade et ses deux clochetons badigeonnés de jaune, anciennement, pour que les lignes fussent moins offensantes sur le bleu du ciel. Et il fallut encore gravir un perron pour entrer dans l'église. Elle était presque pleine. Une grille la coupait en deux. Toute la partie supérieure était réservée aux élèves des Dames du Sacré-Cœur. Assises sur des bancs, pressées l'une contre l'autre, leur voile à la Vierge tombant sur leurs épaules, elles formaient une grande tache blanche qu'encadraient les religieuses noires sur un rang. Marie reconnut la France au premier regard, et elle en fut d'abord tout occupée. Elle se rappelait tant de visions pareilles. Ce voile de mousseline, elle l'avait vu porter par beaucoup de ses amis, pensionnaires dans les grands couvents de Paris. Il devait envelopper, à cette heure même, bien loin, la tête peu monacale d'Édith. Dans la partie inférieure, les fidèles étaient nombreux aussi, parents des élèves pour la plupart, ou bourgeois du quartier, auxquels se mêlaient des pauvres, comme il en prit toujours quelqu'un dans un sanctuaire de Rome, agenouillés sur les dalles, immobiles, les yeux levés. Marie traversa vivement cette foule et trouva place du côté gauche près de la grille. le prêtre arrivait au pied de l'autel. Il y avait des fleurs vivantes, des feuillages, des bouquets disposés avec goût, orientés avec amour, de chaque côté des degrés. Un homme n'eût pas manqué de songer aux mains très pures qui avaient décoré l'autel. Il eût évoqué l'image d'une jeunesse transparente, résignée, un peu fade, et il se fût montré aussi parfaitement ignorant de la vie monastique. Marie Limerel, mieux instruite et bien faite pour comprendre la cité des âmes, songeait au contraire à la magnifique énergie dont la moindre de ces femmes avait fait preuve. « Elles peuvent bien être appelées nos maîtresses, » pensa-t-elle. « Toutes, elles ont lutté, toutes, elles ont souffert. Avant de cueillir des fleurs, de manier les linges sacrés, celles-ci ont vu l'impérieuse clarté du devoir, et elles l'ont suivie. » Puis elle pria. Elle lut les prières liturgiques de la fête du jour, qui était celle du 20e dimanche après la Pentecôte, et elle s'arrêta, un long temps, sur ces mots du graduel. Les yeux de toutes les créatures sont tournés vers vous, Seigneur, et vous leur donnez leur nourriture au temps marqué. Que de paroles semblables, semées tout le long de l'année, afin que la pauvre espérance humaine ne défaille pas. Elle est une force nécessaire, inégale, toujours tremblante, si vite en désarroi. Quel profond connaisseur des âmes, celui qui avait mis là, pour les siècles, pour les temps écoulés et pour ceux qui viendront, la réponse dont le bonheur même a besoin qu'il demande la durée. Vous leur donnerez leur nourriture. Mais au jour marqué, quand ils auront renoncé enfin à l'obtenir de la terre toute seule et de ceux qui ne vivent que d'elle. Au moment de la communion, plusieurs personnes se levèrent dans l'assistance. Marie et sa mère suivirent deux femmes qui étaient demeurées jusque-là le long de la grille, assises à contresens, et elles se dirigèrent vers les chapelles de gauche, qu'un étroit couloir, percé dans les murs de séparation, réunit l'une à l'autre. Elles s'avancèrent ainsi jusqu'auprès du cœur de l'église et s'agenouillèrent devant la balustrade. Près de Marie, un homme s'agenouilla aussi. Elle ne le regarda pas, mais quand elle se releva, ayant reçu la communion, et qu'elle se détourna pour gagner sa place, si bas que ses yeux fussent baissés, elle perçut une image vague, rapide, et cependant elle eut une certitude. Une émotion puissante la saisit. Il était là, lui, à Rome. Il avait la même foi. Il venait de recevoir le même Dieu. Il marchait derrière elle, dans son ombre. Par respect, elle combattait les pensées qui l'assaillaient. Elle retraversa les chapelles, elle revint près de la grille et se courba, troublée, humiliée de ce galop de pensées étrangères à travers l'adoration. Une partie des assistants avait quitté l'église. D'autres, par groupe, sortaient, élevaient la voix en franchissant le seuil, et le bruit des conversations revenait en arrière, avec l'air du dehors qui soufflait dans la nef. La petite place du Pincio n'est en rumeur qu'une fois la semaine. Marie se releva la première, avant Madame Limerel. Il lui tardait de s'assurer qu'elle ne s'était pas trompée. Elle chercha autour d'elle si quelqu'un ressemblait à celui qu'elle avait reconnu. Elle vit des Italiens qui causaient avec une sœur du tour, quelques femmes encore assises, et des Français en voyage qui tâchaient de voir une fresque. Sa déception fut vive. Parmi ces Romains et ces étrangers que le soleil réjouissait, Marie s'avança et elle s'appuya à la rampe, au faîte du perron. Personne, non, personne, puisqu'elle ne trouvait pas celui qu'elle cherchait. Elle avait oublié de regarder tout près d'elle, le long du portail. Au moment où elle descendait la première marche, quelqu'un lui tendit la main. Il était si ému qu'il ne parlait pas. Elle leva ses yeux vers lui, qui était comme transfiguré par une joie supérieure à toute joie humaine. Elle fut tentée de dire « Ah, Reginald, que je suis contente !» Mais elle se tut. Elle était petite à côté de lui. Et ils descendirent toutes les marches du perron sans se dire un mot, le front haut, le regard au-dessus de la foule et le cœur plus haut encore. Ceux qui les virent purent croire qu'ils s'aimaient. Quelque chose d'infiniment plus grand que l'ordinaire tendresse les exaltait tous deux. Ils chantaient le même cantique silencieux. Ils pouvaient regarder au-dessus de la foule, ou la regarder. Ils ne la voyaient pas. Marie était la première, sans doute, à saluer ce fils nouveau de l'Église. Et lui, qui croyait s'en aller dans la joie, mais dans la joie solitaire, il trouvait une main amie, une âme fraternelle, une mémoire toute pleine des souffrances passées. Dans la Rome endormie à présent sous les herbes, là-bas, le long des voies antiques, dans les premiers temps où l'élite du monde païen était attirée vers la pureté des mystères chrétiens. Ce même spectacle avait dû plus d'une fois étonner et émouvoir vaguement les fidèles. Ils avaient vu apparaître au grand jour, hors de l'ombre des églises, à côté d'une vierge depuis l'enfance instruite des choses divines, marchant près d'elle, un jeune patricien, qui portait sur le visage toute la gloire heureuse des âmes renouvelées. Au bas des marches, Madame Limerel rejoignit Marie. Elle venait seulement d'apercevoir Reginald. Elle eut un autre sentiment que cette sorte de surprise attendrie qu'elle était trop bonne pour ne pas éprouver en ce moment. Voulut-elle prolonger d'une seconde ce rêve très pur où vivait Marie? Voulut-elle graver en elle-même l'image qui s'offrait à elle? Ou s'assurer qu'elle ne se trompait pas? Avant d'aborder les deux jeunes gens qui déjà inclinaient vers la droite, où s'ouvre le grand escalier du Pincio, elle attendit un instant. Puis elle dit « Monsieur Reynolds ?» Reginald et Marie se détournèrent. Ils avaient la même expression, le même rayonnement de visage. Comme ceux qui ont causé ensemble longuement et se sont mis d'accord. Cependant, ils ne s'étaient rien dit. Reginald salua Madame Limerel. « Je suis comme vous à présent, tout à fait comme vous. » Elle lui fit plusieurs questions, très vite. « D'où venez-vous? Depuis combien de temps êtes-vous ici? Nous aviez-vous déjà rencontré? Expliquez-moi. » Mais comme la foule était grande autour d'eux, ils descendirent jusqu'à la première terrasse de l'escalier et se retirèrent dans cette loge ouverte, bâtie sur le côté et qu'une balustrade enveloppe. Marie était adossée à la rampe. Le soleil criblait de rayons tout ce décor de pierres taillées où les groupes en mouvement faisaient glisser des ombres claires. « Nous sommes, ma mère et moi, extrêmement heureuses, » dit Marie. « Je ne puis vous dire l'émotion qui m'a saisie quand je vous ai reconnue. C'est la deuxième semaine depuis que j'étais reçue dans l'église. Cette fois-là, il n'y avait personne. Je veux dire personne de ceux qui m'ont connue ailleurs. » Il parlait avec une simplicité hardie qui était un des traits de son caractère, et en même temps, il considérait ces deux témoins inattendus. Ses yeux disaient « Vous êtes ma famille. À l'heure où tant d'autres s'écartent de moi, il m'est doux de vous rencontrer. » « Quelle étrange rencontre !» reprit Marie. « Quand je vous ai vu pour la dernière fois, vous étiez loin, de toute façon. Moins que vous ne pensiez. Paris m'avait décidé à venir à Rome. J'avais vu des merveilles. J'ai voulu voir la source. Les mois ont passé bien vite. » « En plein été, vous avez habité Rome ?»« Oui, je n'aurai pas l'hiver à moi. »« C'est juste. »« Je ne regrette rien de ces mois-là, je vous assure, pas même la chaleur. » Le sourire de Reginald s'épanouit. « J'ai fait le plus grand voyage qu'un homme puisse faire. Je suis venu à la vérité. »« Le plus dur, peut-être ?» demanda Madame Limerel. « Non, il n'a pas été dur. C'est à présent que l'épreuve va être rude, pour d'autres et pour moi. » Reginald détourna la tête vers la place d'Espagne. Sa physionomie changea, et de même le son de sa voix. Madame Limerel et Marie eurent de nouveau devant elle l'homme du monde, l'officier de l'armée des Indes. « Est-ce que vous logez dans ce quartier ? » demanda-t-il. « Ici même, en bas, dans l'hôtel le plus proche. Nous voyons l'escalier quand nous sortons et que nous rentrons. Vous avez voulu être tout près de la maison de Keats ? Est-ce cela ? » ?»« La maison de Keats ?» « Tenez, en face de nous, cette loggia avec une tonnelle. Il est venu mourir dans ce petit palais d'angle. Je l'aime beaucoup, ce poète, qui a dit tant de choses émouvantes en si peu de temps. Vous vous souvenez ?» Et il cita quelques vers bien connus. « Les mélodies qu'on entend sont douces, mais celles qu'on n'entend pas, plus douces encore. Est-ce bien à cause de lui que vous avez choisi ce quartier de Rome ?»« Non, non, croyez rien. Nous sommes venus un peu au hasard. » Mais nous aurions plutôt choisi le quartier parce que c'est un quartier de France. Villa Médicis, Trinité du Mont, deux établissements de France. L'escalier était bâti par un cardinal de Polignac, ambassadeur de Louis XV, voyez. Marie désignait la plaque de marbre qui porte une inscription. Et les deux jeunes gens se mirent tous deux à sourire de ces rappels de leur nationalité. Mais aussitôt Reginald redevint grave. Un souvenir traversa son esprit. Je dois prendre congé de vous, dit-il à Madame Limerel. « J'ai une chose importante à faire ce matin même. Me permettrez-vous de vous rendre visite cet après-midi ? » ?»« Volontiers, monsieur. Nous ne sortirons pas avant 2 heures. »« Je serai libre. C'est presque toujours très vite fait de faire souffrir. »« Vous dites bien, » repartit Marie. Une parole, et puis la douleur est née. Il salua et remonta les marches, tandis que Madame Limerel et sa fille descendaient. Au bas de l'escalier, elles achetèrent des fleurs, et elles allèrent prendre le thé dans une pâtisserie de la Via Condotti. « Quelle belle nature d'homme !» dit Marie. « Il est pour moi comme une sorte de frère étranger, si cela se peut dire. Avoir été témoin du doute, mais du doute de bonne volonté, de celui qui veut bien croire, qui aime ce qu'il n'a pas encore, et puis assister à cet acte de la foi parfaite, voilà ce qui peut me toucher, moi, plus qu'une autre. » Il lui a fallu une grande bravoure. Oui, plus grande certainement que nous ne pouvons l'imaginer. Depuis la soirée de Redhall, nous n'avons pas eu de nouvelles des Brennels, ou à peine. Celle que nous a écrite Dorothy. Ses parents ne lui pardonneront pas, c'est probable. Il devait penser à eux tout à l'heure. Il te le dira peut-être. Non, maman, parce qu'il est anglais. Un homme anglais et que je ne suis qu'une femme. Et puis, elle effaça, en regardant sa mère, ce que le mot aurait pu avoir de blessant. Et puis, parce que vous serez présente, ma chère maman, je prévois une réception classique, un mélange de camaraderie et de réticence. Après quoi, comme à Paris, nous nous séparerons. Madame Limerel avait loué, au premier étage de l'hôtel de Londres, le dernier appartement à gauche, composé de deux chambres et d'un salon ouvrant sur la place. C'est dans ce salon, meublé de chaises et de fauteuils aux bois lourds et dorés, et recouvert de satin rouge, qu'elle reçut la visite de Reginald. Il était distrait avec gravité, et faisait effort pour répondre aux questions de Madame Limerel. Elle avait cru qu'il parlerait volontiers de Rome, et elle s'étonnait qu'il montrât une indifférence polie pour les monuments, les tableaux, les ruines, les paysages qu'elle énumérait avec l'ardeur de sa nature française et de la voyageuse qui débute un peu tard et qui découvre l'Italie. Les noms qui la ravissaient, qui l'encombraient d'images et d'idées, il les laissait tomber. La vue de Rome du haut du Janicule, Saint-Pierre, Saint-Paul-Hors-les-Murs, la petite église de San Onofrio, les jardins, la campagne, les chartiers des Castelli Romani, abrités dans leur soffietto. Cet Anglais n'avait-il donc pas compris Rome, qu'il habitait depuis plus de 3 mois ? Comment se fait-il, monsieur, que vous soyez venu ce matin à la Trinité du Mont ? Vous logez, vous venez de nous le dire, dans le quartier de l'Aventin, près des ruines. Simplement parce que je ne la connaissais pas, comme nous. Je suis loin d'avoir tout vu. Je n'ai pas été un voyageur avant tout curieux de la ville. Il faudra que je revienne à mon prochain congé, dans quelques 5 ans. Je retrouverai, j'espère, quelques-uns de mes amis nouveaux. Il nomma un de ses compatriotes, un bénédictin, qui l'avait guidé, instruit, soutenu dans la période de doute et de travail. C'est Thomas Winnie, sous le froc, reprit-il en regardant Marie. Non pour le visage, mais pour la ténacité, pour la rigueur de la raison et pour l'amitié qu'il m'avouait. Mais sur ce sujet, ni Marie ni Madame Limerel ne voulaient l'interroger, et ce qu'il dit fut court. Cependant, il demeurait. Et Marie, qui devinait cette âme si pleine et si fermée, Marie, consolatrice instinctive, qui avait le sentiment du voisinage des douleurs, demanda tout à coup « Je suis sûr que vous désirez faire une promenade avec nous. » « Oui, c'est cela même. Et vous n'osiez pas nous le dire. Pourquoi ? Vous avez dans Rome un endroit préféré. Vous voulez nous le présenter et voir si nous partagerons votre admiration ? Ai-je deviné ? À peu près. À peu près seulement ?» Les yeux de Reginald étaient pleins d'une pensée unique, d'une extrême puissance en qui s'abîmait et disparaissait toute autre préoccupation. Ils étaient ainsi le jour où, dans le parc de Redhall, le fils de Sir George avait pris conseil de cette petite étrangère qu'il pensait ne jamais revoir. Elle éprouva quelque chose de cette reconnaissance attendrie et de cette inquiétude qu'elle avait éprouvée alors. L'ardente rayée du jour entrait par la fenêtre. Marie fit un geste de la main. « Attendez-nous. Dans 5 minutes, nous serons prêtes. » Elle s'était déjà levée. Reginald eut l'air de revenir d'un pays de songe. Il se hâta de dire « Non, je vous prie, que ce soit demain. » Demain est le dernier jour que je passerai ici. Vous quittez Rome ? Pas seulement Rome, mais l'Europe bientôt, et tout. » Il prononça ce dernier mot avec une tristesse émouvante, et il n'avait pas cessé de regarder Marie qui était près de la porte. Madame Limerel, prime sautière et vite attendrie, s'approcha, comme si elle avait entendu l'annonce de quelque deuil imprévu. il tâchait d'être brave, il essaya de sourire et de la remercier, et bien qu'il ne ressemblât pas à son père, il avait l'ironie douloureuse, l'attitude de défi et de commandement à la mort qui rendait parfois si tragique le visage de Sir George. « Demain, dit Madame Limerel, je ne suis guère libre, j'ai donné rendez-vous à une vieille amie. Vous l'emmènerez, maman. Elle n'est pas gênante, cette pauvre Madame Villiers. Acceptez la promenade que veut faire avec nous, Monsieur Brenolles. Vous voyez qu'il y tient beaucoup. » « Soit, nous irons où il vous plaira, monsieur. Demain, à 3 heures, si vous voulez. » Reginald ne répondit rien, et il resta silencieux jusqu'à ce que son visage eût à peu près obéi à la volonté qui commandait. « Soyez plus calmes, mes yeux. Soyez moins durs, mes lèvres. Soyez moins blanches, mes joues. » Et alors il dit avec une sorte d'enjouement qui faisait encore pitié. « Aujourd'hui, j'aurais voulu autre chose. Vous allez vous moquer de moi, madame. » « Oh non, sûrement. Nous sommes assez souvent superstitieux en Angleterre. Je le suis peut-être encore. Il faut, voyez-vous, pardonner certaines faiblesses à un nouveau converti. » Dans la poche de sa jaquette, il prit une lettre. « J'ai écrit cette lettre tout à l'heure. Elle m'a plus coûté que tout autre dans ma vie. Non, je ne me rappelle pas avoir eu autant de peine à tracer des mots. Vous savez qu'il y en a de bien cruels, n'est-ce pas ? Je demande dans cette lettre une grande faveur, très difficile à obtenir. » Il tendit la lettre à Marie. « Je voudrais qu'une main très pure mît cette lettre à la poste. Il me semble que j'aurais plus de chances de ne pas être refusée par celui que je supplie, et qui est très rude, très rude. » « Faites ce que je vous demande. » « Allez tous les deux, » dit Madame Limerel. « Vous êtes jeune et vous êtes malheureux. C'est une manière de vous plaindre. Tu sais, Marie, qu'il y a une boîte aux lettres sur la place en bas de l'hôtel. Allez !» Marie prit la lettre et courut mettre son chapeau. Elle rouvrit la porte, précéda Reginald, et ils descendirent sans se parler. Mais la détresse et la pitié étaient au fond des deux âmes, et elles s'entendaient vivre. En sortant de l'hôtel, ils tournèrent à droite. Au fond de la place, pendue au mur, était accrochée une grosse boîte de fonte peinte en rouge. Ils allèrent jusque-là. « Lisez l'adresse, » dit Reginald. Marie leva l'enveloppe d'un soleil, et elle lut. « Sir George O. Brenolles, Bart, Eden Hotel, Pallanza. »« Votre père est à Pallanza ?»« Oui, avec Robert Hargrave. Je compte sur Robert Hargrave, qui sait déjà beaucoup de choses. »« Non, ne jetez pas encore la lettre, écoutez. »« Vous avez le droit de connaître ce qu'il y a dans cette lettre, parce qu'elle est la suite, l'aboutissement de cette lutte douloureuse, où vous avez eu votre part un jour. »« Regrettez-vous ?»« Je vous remercie. » Toute ma douleur est venue de là, mais aussi la joie qui la surpasse et qui durera, celle de ce matin, tenez, celle d'à présent, car elle renaît comme une plante vivace, et elle étouffera ma peine. » Il parlait plus librement. Sa jeunesse avait pour confidente celle qui, la première, en terre d'Angleterre, avait été mêlée au drame inachevé, la conseillère de bravoure, la fidèle qui ensuite n'avait rien demandé et qui se taisait encore. « Venez, » reprit-il. « Venez avec moi ici, où il y a de l'ombre. » Ils firent quelques pas dans la Via San Sebastiano, que les murs de l'hôtel protégeaient contre le soleil. Marie avait cette même expression recueillie des âmes fraîches auxquelles on demande secours, et qui savent qu'elles peuvent le donner, et qui ont peur parce qu'elles se sentent puissantes dans l'inconnu. « Je puis la réciter par cœur, » dit-il. « Écoutez bien. Mon cher père, toutes les paroles que vous m'avez dites le jour où, par votre ordre, j'ai quitté Red Hall, me sont demeurées présentes. Vous les disiez dans l'irritation que je vous causais, mais aussi pour ce que vous pensiez être mon bien et la vérité. Je ne vous reproche aucune d'elles. Vous étiez dans votre droit de père et tel que je ne doutais point que je vous trouverais. Je me suis rendu compte que vous me connaissiez même mieux que je ne me connaissais. Il vous apparaissait que ma conduite, en plusieurs cas, quand je refusais d'aller avec vous au temple, quand je ne pus m'associer au toast en l'honneur de l'Église établie, était dicté par un commencement de croyance catholique et non par le seul détachement de mes premières habitudes. J'ai souffert, avant même de savoir que je croyais, pour cette foi qui est devenue consciemment la mienne. Cette souffrance même doit vous être une sûre garantie, mon cher père, que mon adhésion à la plus grande Église n'a pas été prise sans beaucoup de réflexion, d'études, de prières. Je suis sûr que vous ne pensez pas un seul moment que j'ai pu vous déplaire, encourir votre blâme, vous causer de grands regrets, sans y être contraint par la règle souveraine qui doit conduire un homme, à travers toute difficulté et que vous m'avez appris à suivre, l'amour de la vérité. Je n'ai fait que développer le principe d'éducation et de direction que vous m'avez enseigné. Mon père, l'hostie que je voyais se lever sur les collines d'Angleterre, est la mienne. Depuis une semaine, je participe au sacrement de l'Église romaine. C'est un religieux de notre nation qui a pris soin d'instruire mon âme. Il y a 8 jours, près de moi, quand j'étais reçu dans l'Église, plusieurs de mes frères anglais. J'aurais donné ma vie pour que tous les êtres qui me sont chers fussent là, avec eux. Mon cher père, je pars pour retourner dans l'Assam. C'est un très long voyage, vous le savez, et je voudrais, de tout mon vouloir, ne pas l'entreprendre sans vous avoir revu. Je vous supplie de me recevoir. Vous ne m'approuverez pas parce que vous m'aurez reçu, mais la peine que j'éprouve sera moins lourde, la vôtre aussi peut-être, si nous nous sommes revus. Je saurai votre réponse mercredi à Pallanza. Et maintenant, j'accomplis la promesse que je vous ai faite. Puisque vous avez jugé que Redhall devait m'être enlevé, vous pouvez faire l'acte. Votre fils affectionné, Reginald O'Brenolds. Voici ma lettre. Elle m'a été bien pénible à écrire. J'ai cru vraiment que moi, un homme, j'allais pleurer en pensant que je pouvais partir sans le revoir. Mais si vous l'achetez dans la boîte, elle sera bénie parmi les autres. Il ne refusera pas. Allons, jetez-la. Marie pressa du bout des doigts cette feuille de papier qui maintenant, pour elle, était vivante et parlante. Malgré la grande lumière, elle voyait les maisons en face, de l'autre côté de la place, comme à travers une petite brume. « Vous n'aurez plus Redhall désormais ?»« Non. » Elle ne voulut pas juger ce que Reginald ne jugeait pas. Elle était toute pâle, toute fière et tremblante. « Vous êtes bien brave, » dit-elle. « Vraiment, je ne supposais pas tout à l'heure qu'il y eût tant de destinée dans cette petite enveloppe. Ce que vous venez de me dire, comme ce que vous m'aviez dit autrefois, je ne l'oublierai jamais. » Elle fit, dans le soleil, les 4 pas qui la séparaient de la boîte rouge, glissa l'enveloppe dans la fente, attendit un instant, puis elle ouvrit la main, et elle écouta le bruit de glissement et de chute amortie que fit la lettre en tombant. Reginald regardait Marie qui y revenait. « Demain donc, je vous dirai adieu, » fit-il, en se mettant à marcher près d'elle. « Cette fois, il me semble que nous ne nous retrouverons plus. Je vous souhaite d'être heureuse avec votre fiancé. » Brusquement, elle tourna la tête. « Mais je ne suis pas fiancée. Je croyais que vous deviez vous marier avec... »« Non, nous ne nous marierons pas. J'ai eu moi aussi de grandes peines. Au revoir. » Ils étaient devant l'hôtel. Marie entra. Reginald demeura dans la rue. Il crut voir que la jeune fille de loin lui faisait un signe d'amitié, et il demeura plusieurs minutes en face de la porte et du vestibule par où elle venait de disparaître, comme s'il attendait qu'elle revînt. Une voiture arriva du bout de la place, amenant des voyageurs. Il se recula et s'éloigna vers le centre de la ville, le cœur battant un grand coup, l'esprit secoué, harcelé par des souffles de tempête, par toute la peine qu'il avait prévue et par une autre qui se levait. Il faisait tête à cette meute, il entendait les cris qu'elle poussait. « Votre père vous a renié, Reginald, votre mère pleure, et Redhall est perdu. Tant et tant d'affections qui sont blessées, vous n'avez qu'à fuir. L'œuvre d'amour bâtie pour vous et par vous, les parents, les amis, les camaraderies, le lierre de votre maison, l'étang qui fleurira pour d'autres, et jusqu'aux petits renards qu'ils prendront, tout a été sacrifié par vous, tout. Insensé, qui avait méprisé toute la fortune d'amour dont vivait votre jeunesse. » Il les connaissait. Il répétait en marchant le long des rues, « J'ai bien fait. Je ne veux plus vous compter, mes chagrins. Dieu a compté pour moi. Vous m'affaibliriez. Allez-vous-en. » Et une autre voix, nouvelle, et puissante comme toutes les autres ensemble, disait, « Marie était libre, et tu n'y as pas songé. Marie était libre, libre, libre !» Ah, qu'il ne ressemblait guère aux promeneurs affairés ou curieux, à celui qu'il était la veille encore ou ce matin. Par le Corso, par la place de Venise, puis par les petites rues qui tournent autour du forum, il allait. Plus rien ne l'intéressait, aucune image ne descendait de ses yeux à son âme. Morte la ville, morts les souvenirs qui se relèvent devant nous quand nous repassons par les chemins. il était séparé de cette saison si pleine de son été romain, de la foule en mouvement, des palais, des fontaines, de tout le connu et de l'inconnu qui l'enveloppait par l'abîme de l'émotion présente. Elle seule occupait son cœur, elle seule était le monde, elle seule créait et détruisait, en un instant, des visions plus nettes, plus réelles, plus tyranniques que celles de la rue. Tout un passé en larmes, et Marie libre, et dont il aurait pu se faire aimer, Marie indifférente, et qu'il fallait abandonner après tout le reste. Il ne cédait point à tant d'assauts. Une sorte de colère l'animait, l'exaltation du lutteur qui ne veut pas être vaincu et qui n'en est pas à sa première victoire. Il avait marché si vite que ses joues et son front étaient rouges et mouillés de sueur, quand les rampes désertes de l'Aventin, serrées entre les hauts murs, étendirent devant lui leur ombre et l'accueillirent dans leur silence. Il s'arrêta devant la porte de l'abbaye primatiale de Saint-Anselme, où est le collège de l'ordre bénédictin. Le portier le reconnut, et Reginald en fut réjoui, tant il avait besoin de sympathie. Et il se souvint du vieux jardinier anglais, celui de la nuit d'exil. « Dom Austin Vivian est-il ici ?»« Non. »« Ah, tant pis. J'aurais désiré le voir. Je reviendrai un peu avant l'Ave Maria. »« Il n'est pas à Rome, » dit le frère en se penchant. « Il a été appelé pour quelques jours au dehors. Voici une lettre qu'il a écrite pour vous. » La lumière était à l'heure la plus dorée, celle où elle va mourir. En se retirant, Reginald voulait une dernière fois contempler les deux nobles perspectives qui furent là ménagées pour des âmes méditatives. Mais elle ne parlait plus à son cœur trop troublé. Son dernier regard fut pour la porte qui s'était ouverte si souvent pour lui, la porte faite en bois de châtaignier, qui est presque incorruptible, la porte sculptée, encadrée dans le marbre blanc et au front de laquelle il relut les mots de la liturgie. Pax eterna ab eterno. La paix, le bien que tous les biens ne peuvent acheter, il l'avait eue et il la cherchait, mais comme ceux qui savent qu'ils la retrouveront, qu'elle s'est éloignée à peu de distance afin d'être aimée mieux et qu'elle nous entend pleurer. Il s'en alla, songeant qu'il était tout à fait seul dans la vie, mais que demain il y aurait Marie. Les chemins étaient déserts, les murs lui renvoyaient l'écho de son pas. Il continua de monter jusqu'au sommet de la colline, jusqu'à l'auberge, précédé d'une petite vigne, et où il avait sa chambre au-dessus de Rome. Il entra, mais il ne s'approcha pas de la fenêtre comme il faisait chaque soir. Il s'assit, devant la table de bois blanc, et mit la tête dans ses deux mains. Elle continuait de l'assaillir, les pensées tenaces, les pensées cruelles, mais il sentait par moments qu'il était secouru, car il disait tout bas « Dieu, viens mon secours, au secours d'un pauvre. Tous les êtres qui ont appuyé mon cœur, l'un après l'autre, ont été écartés de moi. Je suis réduit à ma faiblesse et à ta puissance. Cela est bien. Mes parents se sont opposés à moi. Thomas Winney, au jour où j'avais cru son conseil nécessaire, n'est pas venu. Dom Austin Vivian, mon ami, me manque aujourd'hui. Ils n'ont eu qu'une minute le rôle que je croyais durable. Et elle, que je verrai demain, qu'en sera-t-il de nous ? Fais que j'aie le courage de parler à Marie, moi qui suis timide et secret. Fais qu'elle réponde selon ta volonté à toi, dispensateur de la paix souveraine et promise. » Il n'avait aucun sentiment de l'heure. Son enfance et sa jeunesse conversaient avec lui. Lorsqu'il se redressa et qu'il regarda les murs tout sombres de la chambre, les étoiles qui luisaient à travers les vitres, puis, tout en bas, la vallée profonde où dormaient des jardins, des cabanes et des ruines, la nuit calme, froide, silencieuse, avait déjà sur toute la ville et sur toute la campagne abattu la poussière du jour. Le lendemain, à 3 heures, lorsque Reginald entra dans l'hôtel de Londres, il trouva en bas, dans le salon de lecture, Madame Limerel, Marie et une vieille dame vêtue de deuil à laquelle il fut présenté. Celle-ci, grande et maigre, bien assise sur le canapé, les épaules couvertes d'une écharpe de soie légère, qu'elle changeait souvent d'orientation, avait ce regard direct, sérieux et amusé, des personnes qui ont beaucoup voyagé et qui comparent instinctivement tout ce qu'elles voient, les hommes, les vêtements, les paysages, les bijoux, le son de la voix. « Vous me rappelez, Monsieur Reynolds, un Anglais que j'ai rencontré sur le Bosphore. Il porte exactement ce costume de voyage, cette blouse à col droit, cette culotte courte, d'un ton si sérieux. Est-ce brun ou est-ce vert ? On ne saurait le dire. et comme ce doit être pratique, vos tailleurs n'ont rien trouvé d'aussi bien. » Il s'inclina, et ce fut surtout avec cette vieille globe trotteuse qu'il causa, tandis qu'il montait l'escalier de la Trinité du Mont et suivait la bordure des jardins en terrasse. Marie, silencieuse et séparée de lui, savait bien que ce n'était là qu'une diversion. Il prêtait une attention trop exacte à des questions banales. Il s'appliquait à répondre, il détournait la conversation chaque fois qu'elle eût pu l'amener à une confidence. Il n'eut même aucun de ces mots vagues par lesquels la jeunesse dit à moitié sa peine et cherche à se faire plaindre. Marie continuait le songe qu'il avait occupé la veille au soir et ce matin encore. Silencieuse et recueillie, elle repassait dans son esprit les circonstances où, à son insu, la destinée l'avait faite la conseillère, l'amie, l'appui de Reginald. Elle comprenait qu'elle aurait de nouveau cette âme cachée et souffrante devant elle, et que l'heure était toute proche. Madame Limerel demanda « Où nous menez-vous ?» Les quatre promeneurs étaient arrivés à la moitié environ de la terrasse qui borde, au-dessus de la ville, les jardins du Pincio. Il jeta un regard autour de lui, comme ceux qui ont fait, sans y prendre garde, un long chemin. « Je ne sais pas, » répondit-il. « Tout cela m'est indifférent. Vous aviez promis de nous montrer un de vos coins préférés. » Il chercha un moment. « Avez-vous été jusqu'à la Piazza di Siena ?»« Non. » »« Alors venez. » Le petit groupe tourna à droite et traversa, en profondeur, le jardin, entre les massifs où des fleurs exténuées, à bout de sève, éclataient encore au sommet des tiges démesurées. Dahlia, rose, œillet, sauge, dont la verdure était morte déjà. L'allée trouait des bosquets de grands arbres. Il y avait des cèdres d'où tombaient des draperies de vignes vierges alanguies par l'automne. Marie causait avec Madame Villiers. Reginald allait devant et disait à Madame Limerel quel long voyage il devrait faire pour regagner la province d'Assam. Au bout du jardin, ils passèrent le pont jeté sur un rabbin et entrèrent dans le parc de la Villa Borghese. L'horizon s'élargit, et la beauté romaine apparut de nouveau dans le relief des terres et dans les lignes montantes des frondaisons durables. La route, simple levée d'abord, récemment jetée à travers une prairie, rencontra des avenues plus anciennes. Reginald s'engagea sous une voûte de chêne vert et bientôt montra, sur la droite, une clairière ouvragée, une sorte de stade pour les courses et les jeux, creusé dans une pinède de grands pins parasols, de hautes haies de buis taillés décrivant une ellipse, un long tapis d'herbe tout autour, quelques ifs légers s'élevant au-dessus des buis et de chaque côté, encadrant l'arène, des gradins disposés pour les spectateurs absents, quatre marches de pierre séparées par un peu de gazon et rongées par la mousse. « Voilà la Piazza di Siena, » dit-il. « J'ai passé bien des heures. Voyez quel recueillement. À quelle distance nous sommes de la rue et du bruit. »« C'est antique, évidemment, » dit la dame voyageuse. « Un siècle à peine, madame, mais l'air romain a vite fait d'ennoblir. » Quelques promeneurs, lentement, menus parmi les arbres, suivaient des avenues lointaines. Les bras tordus des pins, sur les tertres jumeaux, commençaient à rosir, mais tout le creux du cirque était hors du soleil, et les longues pierres couchées, étreintes par les mousses, n'étaient blanches, n'étaient pâles que de l'ardeur de l'ombre. Pour mieux jouir de cette solitude, et pour se reposer, Madame Limerel, son amie et Marie s'assirent sur le plus haut gradin, à droite de l'entrée. Reginald demeura debout, un peu en arrière. Une émotion trop forte s'emparait de lui. Il essayait de commander à cette expression de détresse qu'il sentait bien qu'il portait sur le visage, mais il n'y parvint pas, et il s'approcha de Marie qui était assise à quelques pas de sa mère. « Voulez-vous venir avec moi ? Nous ferons notre dernière promenade. » Elle se leva aussitôt et se mit à marcher près de Reginald entre les lignes des grands pins sur le sol renflé, couvert d'aiguilles sèches. « Vous laissez faire ?» demanda l'ami. Madame Limerel répondit « Il est anglais et il part demain. » La dernière promenade. Or, comme les souvenirs, les plus petits et les plus lointains, avaient entendu ce mot cruel. Comme ils s'étaient rassemblés autour des promeneurs, comme ils les avaient séparés, tout d'un coup, d'avec le monde entier. Reginald s'était déjà penché du côté de Marie et lui parlait. Ému l'un et l'autre d'une émotion différente, mais qui dominait tout leur être, ils allaient lentement, et ils n'avaient ni un geste, ni une inflexion de voix étudiée ou voulue. Les mots qu'ils échangeaient étaient dépouillés de toute comédie humaine, souffle de deux âmes qui ne mentaient point. Pour la première fois, Reginald dit « Mary ». Et d'entendre prononcer son nom, Marie fut troublée plus encore. Elle comprit qu'il n'avait point d'autre nom dans la pensée voisine. « Mary, je vous remercie d'être venue. Vous avez eu dans ma vie un si grand rôle déjà. Je ne l'avais pas cherché. Non, rôle bienfaisant que le vôtre, rôle béni. Je le voudrais. Vous avez bien jugé toute chose, Mary. Je vous remercie encore. Et cependant, que d'épreuves vous sont venues par moi. Elles peuvent se multiplier. Je connais leur puissance à présent. Elle ne va pas jusqu'au sommet de l'âme. Cela est bien vrai. Et puis quand je vous revois, il me semble que tout ce qui m'a fait souffrir est fini. Vous ne sauriez croire avec quelle impatience j'ai attendu cette heure où je vous retrouve. Moi aussi, j'étais désireuse de causer enfin librement avec vous. J'ai pensé à vous toute la soirée d'hier. Moi aussi, j'admirais ce que vous aviez fait. Que je voudrais que nos pensées eussent été les mêmes. Vous m'aviez appris une nouvelle qui a été une cause de regret, de larmes et d'espérance pour moi. Rappelez-vous vos derniers mots. Je me souviens. Vous m'avez dit que vous n'étiez pas fiancée. Pendant des heures, j'ai songé à vos paroles, et je me suis résolue à vous parler autrement que je n'aurais fait avant-hier, ou un jour d'autrefois. Vous avez tort, je le crains. Ne m'arrêtez pas. Laissez-moi vous parler, moi qui serai bientôt si loin de vous. J'ai interrogé mes souvenirs, dans le grand trouble d'abord, et puis dans une espèce de calme et d'espérance. Je croyais me connaître et je ne me connaissais pas bien. Vous étiez dans mon cœur plus anciennement que je ne le pensais, et sans doute depuis le premier jour où je vous ai vu. Je ne le savais pas. J'en remercie Dieu. Quelle inquiétude vous auriez été ajoutée à tant d'autres. Quelle objection pour moi-même dans le grand œuvre de ma conversion. Et cependant, je n'ai jamais agi envers vous comme envers d'autres jeunes filles. Vous n'étiez qu'une de mes partenaires au jeu de tennis, une étrangère, presque une inconnue. Et je vous ai fait juge de la plus grande angoisse de ma vie. D'où me venait cette extraordinaire confiance? Vous me l'avez dit, un peu de ce que vous me prêtiez une sûreté de jugement que je n'ai pas toujours pour moi-même, croyez-moi, et beaucoup parce que vous supposiez que nous ne nous reverrions plus. Oui, mais je vous ai revu. Je vous ai revu comme malgré moi. J'ai manqué à mon dessein réfléchi. Et pourquoi? Quelle force m'a fait monter chez votre mère quand je m'étais obstiné depuis plus d'une semaine à ne pas lui rendre visite? Expliquez-moi mon obéissance aux moindres paroles que vous avez dites, ma joie quand je suis près de vous, mon trouble comme en ce moment. Je ne l'ai compris que cette nuit, en songeant à cette demi-année qui a tout changé en moi et autour de moi. Mary, je suis sûr que je vous ai toujours aimé, au moins un peu, et moins que maintenant. » Marie ralentit le pas, et regardant bien droit, tristement, celui qui l'interrogeait, « Reginald, ne parlez pas d'un amour que je ne peux pas partager. Vous ne pouvez pas? Non, mon ami. » Elle disait cela avec une si grande pitié du mal qu'elle faisait qu'ils ne purent ni l'un ni l'autre ou continuer ou répondre. Mais ils se tinrent, tous voisins, marchant la tête baissée, et leurs ombres n'en formaient qu'une seule qui allait devant eux, longue sur la pente. Car ils étaient arrivés à l'extrémité de la ligne des pins, et ils entraient sous les chênes verts qui barrent tout au fond la piazza di Siena, et qui suivent, plantés dans les terres inclinées, la courbe des gradins. Reginald demanda le premier. « Je m'étais trompé. Vous n'étiez donc pas celle que je croyais. » Sa voix était plus rude. Il ne cherchait pas à vaincre sa colère, qui n'était que son chagrin. « Vous dédaignez celui qui a tout le monde contre lui. Hier, je pouvais être un homme de quelque intérêt. Aujourd'hui, je ne suis qu'un cadet, un pauvre officier subalterne. Oh, ne dites pas cela. Vous n'êtes pas généreux. Vous n'êtes pas vous en ce moment. » En vérité, vous pourriez avoir le droit de m'accuser, si j'avais essayé de me faire aimer de vous, si j'avais été imprudente, coquette. Je n'ai rien de pareil à me reprocher, vous le savez bien. Oui, je le sais, mais pourquoi me rejetez-vous? Pourquoi agissez-vous comme d'autres femmes, que je n'ai pas aimées, vous, que je croyais d'une autre sorte? Vous ne voudriez pas épouser un Anglais? Vous êtes farouchement française, est-ce cela? Je le suis tendrement, ce n'est pas la même chose. Mais je pourrais aimer un étranger, n'en doutez pas. Il vous emmènerait si loin, si loin. Vous avez peur, en aucune façon. Je n'aurais pas une existence bien large à vous offrir. Tout le luxe, toute la vie attrayante et facile, à présent, j'y ai renoncé. Mais j'aurais le titre de mon père. Je pourrais permuter et revenir en Angleterre. Je pourrais... Reginald, vous vous méprenez. je vous ai déjà répondu. Alors c'est moi, c'est mon caractère, mon humeur, ma personne que vous ne pouvez pas aimer. Ah, j'espérais mieux de cette dernière entrevue. Je suis décidément bien seul, puisque vous aussi, vous m'abandonnez. Jamais, écoutez-moi. » Marie parla d'une voix plus ferme, comme les mères qui reprennent un enfant. La lumière dorait son profil fin. « Vous me comprendrez, vous qui pouvez juger une conscience religieuse. Vous m'avez dit vos secrets. Je vous dois les miens. J'ai aimé Félicien, qui était un ami d'enfance. Il y avait en lui d'admirables vertus et tant de talents et d'hérédité qui m'attachaient à lui. Nous étions comme destinés l'un à l'autre. Mais une condition que j'avais mise, la grande, l'essentielle pour moi, le partage de ma foi, il a dû m'avouer au milieu des larmes qu'il ne la remplissait pas. Je me rappelle, nous avions passé ensemble là-bas cette nuit de veillée. Nous nous sommes séparés, je ne l'épouserai pas. » Reginald détourna la tête, il hésita un peu, mais l'impérieuse bonté et la jeunesse l'emportèrent. « Mary, comment a-t-il pu abandonner une foi comme la sienne et un être comme vous ? Il est à l'âge où les hommes ont de si belles ressources d'énergie et des retours si prompts. J'ai pu l'espérer, j'ai attendu. » Il vit qu'elle avait des larmes au bord des yeux et qu'elle le remerciait. Dans la clarté plus chaude, elle continua de marcher près de Reginald, sous la seconde futaie de pin qui est de l'autre côté de l'arène. Il revenait vers l'entrée. Au loin, deux femmes assises faisaient une tache noire sur les pierres et l'herbe. « Même après, j'ai essayé, je l'ai écrit. J'ai fait l'expérience déjà du médiocre pouvoir de l'amour, et c'est fini. Seulement... » Marie s'arrêta. Elle appuya sa main gauche et son bras levé sur le tronc rouge d'un pin. Et Reginald se mit un peu en avant, afin de la mieux voir, et comme s'il eût voulu aussi l'empêcher de fuir. « Seulement, j'ai souffert, Reginald. Je l'avais vu. J'ai comparé votre image à l'image ancienne. J'ai changé, n'est-ce pas ? Ce qui s'embellit change aussi. J'étais si troublé que je ne me croirais pas le droit en ce moment d'accueillir l'amour d'un autre. Il faut, pour que je puisse écouter, que les souvenirs ne me parlent plus. Je croirais profaner la tendresse qu'on m'offrirait si une ombre en moi s'y mêlait. Âme charmante que vous êtes, je veux être forte tout à fait contre le passé. Je veux qu'il n'y ait pas un regret, comprenez-vous, pas une poussière d'amour brisé dans l'âme que je donnerai à celui qui viendra. Il est venu, Mary. » Elle ne répondit pas. « Dites que je puis vous aimer. Je n'aurai plus de solitude. Je m'en irai dans la joie. » La main qui n'était que posée sur l'arbre s'y appuya. « Dites que vous me permettez de vous écrire de là-bas, et que vous m'écrirez vous aussi. » Elle fit un signe d'assentiment et Reginald reprit. « Alors, vous m'aimerez, j'en suis sûr. Je ne veux pas le savoir. Sommes-nous destinés l'un à l'autre ? Reginald, ne nous laissons pas aller à des paroles de faiblesse. Commandons à nos pauvres cœurs, troublés par l'épreuve et qui cherchent une consolation. C'est à moi de vous avertir. Vous allez me quitter. Gardez le droit de m'oublier. Je n'en veux pas. Non, ce n'est pas à cette dernière minute que vous pouvez me parler d'amour pour la première fois, me demander une promesse, m'en faire accepter une, Reginald. Nous avons à nous faire des adieux encore plus nobles, plus grands, plus dignes de nous. » Marie avait repris l'expression qu'elle avait eue dans les bois de Red Hall lorsqu'il lui demandait conseil. Sa belle tête fine s'enhardissait et se haussait de toutes les énergies de la race, de sa noblesse, de sa pureté, de sa pitié sans faiblesse, de son pouvoir de sacrifice, de sa confiance à l'heure des batailles difficiles. Les yeux qui avaient presque pleuré étaient clairs, graves, et il ne regardait plus Reginald pour comprendre, pour deviner, pour suivre la pensée d'autrui, mais pour commander, au nom d'une autorité qui était vraiment présente et souveraine. Comme celle à qui la pitié fait oublier leurs propres mots, elle était sortie du trouble, et elle voyait clair, pour elle-même et pour lui. Ne nous disons pas adieu dans l'illusion d'une tendresse imprudente, mais dans la belle estime d'une amitié entière. » Et à son tour, il ne répondit rien. « Séparons-nous dans la reconnaissance, parce que nous nous sommes aidés, l'un l'autre à monter. Vous, sûrement, vous m'avez aidé, mais moi, vous aussi. Quels exemples de courage vous m'avez donné, hier soir encore, cette lettre. Toute la nuit, j'y ai songé. Je me suis reproché ma faiblesse. Tenez, si j'ai la force de vous parler comme je fais, c'est à vous que je le dois. Vous m'avez ramené dans la voie haute. Je vous remercie. vous serez une pensée quotidienne pour moi. Rien ne diminuera le souvenir que nous garderons. Nous avons essayé de faire notre devoir jusqu'au bout. En le faisant, je crois que nous avons rempli nos destinées l'un envers l'autre. Reginald, allez dans la paix, librement, vers l'avenir. » D'un geste tendre, elle lui prit la main. Il serra cette petite main vaillante. Il dit, à peine fut-il entendu, « Oui, toute la vie. Vous êtes une âme plus admirable, beaucoup plus que je ne croyais. Vous avez raison, pour le moment présent, mais laissez-moi l'avenir. Je vous obéis. Je pars sans une plainte. Adieu. » Marie demeura à la même place, et lui, à reculons, lentement, pour la regarder encore, il se retirait, entre les pins. Quand il fut à plusieurs pas, il dit, essayant de paraître maître de lui-même, « Vous ressemblez vraiment trop à celle qui avait partagé mon triomphe le jour du tournament. Westgate. Petite Mary, adieu. » La rougeur du soleil illuminait les cheveux bruns, couleur de cœur de noyer. Reginald s'arrêta une fois encore. Il remua les lèvres, mais les mots ne traversèrent plus la distance déjà trop grande. Deux jours plus tard, sur le quai tout fleuri de Pallanza, un étranger venait de débarquer. Le bateau quittait l'appontement pour doubler le cap de roche et de jardin en terrasse qui termine le golfe des îles Borromées et partage en deux le lac Majeur. Reginald cherchait, dans la foule composée surtout d'Italiens de petits négoces, un homme qu'il s'étonnait de ne pas voir là. Le vent soufflait des Alpes et par moments, plongeant jusqu'à ses rives abritées, se relevait en tourbillon. Des feuilles volaient en troupe. Elles laissaient dans l'air une odeur de pharmacie. Reginald, qui savait que l'Eden Hotel était bâti tout à la pointe du cap, traversa la place en diagonale, devant les vieilles maisons à arcades, afin de monter par la rampe, large et bordée de villas, où déjà des voitures s'engageaient. À l'entrée de cette route, levant les bras, un Anglais apparut. Il accourait. « Je suis en retard. Bonjour, Reginald. Bonjour, Hargreave. » Ils se considérèrent l'un l'autre. Hargreave, plus long, plus maigre et plus gauche que jamais, hésitait à se montrer jovial et retenait ce sourire à grandes dents qui lui était habituel. « Vous interrogez ma mine comme si je sortais de maladie, mon cher, » dit Reginald. « Ne vous inquiétez pas de moi, je suis le même homme, et je vais reprendre du service. Je pars ce soir. À moins que mon père ne m'en retienne, et alors je partirai demain. Comment va-t-il ? » Merveilleusement, le climat lui convient. Tant mieux, il n'a pas paru trop préoccupé. Rendu à lui-même, Hargreave entraîna Reginald, et de ses gestes, en remontant la rampe, il animait tous ses mots. Lui, ses meilleurs amis, comme moi, ignorent la serrure compliquée de cet esprit-là. Je sais ce qu'il fait. Mais savoir ce qu'il pense, quand il ne veut pas le dire, je puis vous certifier qu'il mène une vie active et conforme à ses goûts. Il a un petit bateau blanc, gréé en sloop, avec lequel nous courons d'un bord à l'autre du lac. Un fin voilier, Reginald, et qui peut servir pour la pêche. Nous pêchons l'ombre chevalier, et la ferra, mais votre père est surtout passionné pour la truite. Il la juge 100 fois plus délicate et plus jolie que celle du lac de Garde, qui est brune d'écailles, comme vous savez. Ici, la truite qui sort de l'eau, un rayon de soleil, et une chair fine, surtout quand elle est assaisonnée de vieux vin de Lesa. La montagne nous offre 100 excursions, mais votre père se fatigue plus vite que les années passées. Il s'est fait recevoir du club de patinage, car il a un étang de glace artificielle derrière la propriété de la Crocetta. Là-bas, en vérité, le séjour est favorable à la santé de votre père, Reginald, mais je ne puis connaître la pensée de Sir George en ce qui vous concerne, ni prévoir l'accueil qu'il vous fera. Il a reçu ma lettre. En prenant le café, avant-hier, sur la terrasse, le chasseur a porté cette seule lettre et j'ai reconnu l'écriture. Sir George a décacheté l'enveloppe, a lu quelques lignes, puis il a brusquement remis l'enveloppe et la lettre dans la poche de sa veste en disant « Hargreave, je reçois de fâcheuses nouvelles. Vous ne me quitterez pas cet après-midi, voulez-vous » Nous avons fait une très longue promenade. Il était triste. J'ai cru plusieurs fois qu'il allait me parler de vous. Mais non, rien. Et cependant, il m'avait dit « Vous ne me quitterez pas ». Il suivait la route que bordait à gauche une pente très raide, plantée de toutes sortes d'arbres, rassemblés là comme dans une serre. On commençait à voir le tournant. et à travers les branches, en face, les montagnes bleues de l'autre côté du lac. J'irai le trouver, dit Hargrave. Je lui annoncerai que vous attendez sa réponse. Reginald mit la main sur le bras de son vieil ami. Ajoutez bien que je suis soumis à ses ordres, et que je ne demande qu'une seule chose, le voir, même en silence, le voir, même une minute. Le visage de Hargrave exprimait un attendrissement mélangé de regret et de reproche, celui qu'on éprouve pour l'héroïsme inutile. « Brave garçon, » fit-il, « je ne vous comprends pas, mais j'ai tout de même un faible pour vous. » Ajoutez encore que mon affection pour lui est la même, que mon respect n'a pas varié. Hargrave continua seul, et il disait comme un refrain en montant « Redhall, Redhall, le futur seigneur de Redhall qui attend la justice de son père. » Sir George était dans la galerie vitrée de l'hôtel et il lisait un journal, le dos tourné au jour, les jambes croisées. Contre son habitude, il laissa Hargrave ouvrir la porte et venir jusqu'à lui sans l'interpeller, sans avoir l'air de s'apercevoir de la présence de son ami. Hargrave s'approcha, levant les épaules et contractant les muscles de son long cou, ce qui était chez lui un signe d'embarras. Il se tint debout, frôlant le bras du fauteuil. « Il y a, dit-il, « quelqu'un, mon cher, qui voudrait vous voir seulement, même en silence. » Les deux mains rabaissèrent le journal, et comme elle tremblait, Sir George lâcha le journal tout à fait, afin qu'on n'entendît plus le bruit de cassure de papier. « Ah, vraiment, je m'en doutais. Il est venu de loin. Je ne l'ai pas invité. Il attend dans le chemin. Si vous ne le recevez pas, il aura une grande peine. Il est plus jeune que moi pour la supporter, sa peine. » Et il prendra le premier bateau. Libre à lui. Le vieux baronnet se dressa sur ses pieds, rouge de colère. M'apporte-t-il des excuses? Non, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas me dire qu'il m'en apporte, et si vous me le disiez, je ne vous croirais pas. Il est mon fils. Alors, pourquoi voulez-vous que je change? Il a su ce qu'il faisait, moi aussi. Vous pouvez le faire rentrer, Hargrave, mais je ne serai plus ici. S'il vous demande où je suis, vous répondrez que le sang m'est monté à la tête et que j'ai besoin de prendre l'air. Sir George, à pas pressé, traversa la galerie, entra dans le salon voisin et repoussa violemment la porte. Hargrave sortit de l'hôtel, et il souffrait d'avoir accepté de porter un message d'une douleur à une autre. Il descendit à travers les palmiers et les fougères, par le petit sentier entre les massifs. Quand il aperçut Reginald, il sentit qu'il serait incapable de parler, de consoler, d'être témoin de cette autre peine, si jeune. Il fit avec ses bras, avec sa tête, avec ses yeux, de loin, un geste de désespoir qui voulait dire « C'est inutile, j'ai mal fait la commission, je n'ai pas réussi, ne venez pas. » Et sur le pont du bateau à vapeur, une demi-heure plus tard, Reginald Reynolds chercha une place d'où il put mieux voir, et plus longtemps, la maison où il n'avait pas été reçu. Il la trouva à l'arrière, en dehors de la tente que le vent secouait. Toute la surface du lac, hercée du nord au sud, frissonnait de vie et de lumière. Le soleil était près de disparaître derrière les montagnes. Le bateau siffla et prit sa route en doublant la petite île de San Giovanni qui est en face de Palanza, puis le cap, dont les verdures étagées remuaient à peine. Alors, il pointa droit dans le vent, à quelques centaines de mètres de la côte, dont les éperons se succédaient, aussi loin que la vue pouvait deviner les reliefs dans les brumes commençantes. Reginald, attentivement, cherchait quelle fenêtre fermée de ce grand hôtel carré, là-haut, pouvait cacher Sir George, quel rideau serait soulevé, un moment, et retomberait. Il n'était plus troublé, il ne se révoltait pas, il acceptait l'épreuve. Le Sempione allait rapidement. Il eût été difficile à présent de distinguer la silhouette d'un homme sur le balcon de l'hôtel. On avait dépassé les falaises desséchées, fleuries de géranium, qui portent le parc et la villa de San Remigio. La côte devenait toute plate, et on découvrait la plage et la petite ville d'Intra, lorsque Reginald, penché sur la balustrade, se dressa et d'un geste rapide enleva son chapeau. De l'abri d'une roche, un canot blanc à haute voilure se détachait et courait sur le Sempione. Avec tant de toile et tant de vent, il était tout penché. Un homme tenait la barre, un homme assis, vieux, très droit. Tous les passagers se levèrent, pour voir à quelle distance le soupe croiserait le sillage du vapeur. Il passa à raser la coque. Reginald, un instant, vit les petits yeux bleus, bordés de cils blancs, fixés sur les siens. Et, aussitôt emporté dans la rafale de vent, le canot s'écarta du navire qui filait droit au nord, vers Locarno. Il ne revint pas, mais, invisible, à demi couché sur le banc de barre, séparé déjà par la distance, par un peu de brume et un peu de nuit, le vieux Sir George essayait de reconnaître encore la forme pâle du grand bateau. Puis, comme la nuit descendait, il ne vit plus qu'un feu de bord, comme une petite étoile, qui fuyait au ras de l'eau. Ainsi s'achève La barrière de René Bazin.